13. Le livre des louanges et de la gratitude envers Allah Ta'ala. Chapitre 242. L'obligation de la gratitude. Allah Ta'ala dit: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Sourate 2, verset 152. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate 14, verset 7. Et dit, louange à Allah. Sourate 17, verset 111. Et la fin de leur invocation, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 10, verset 10. 1393. Abu Hurayra, radiallahu anhu, rapporte ceci. Lors de son voyage nocturne, Isra, une tasse de vin et une autre de lait furent présentées au prophète, alayhi salatu wassalam. Il les regarda, puis prit celle remplie de lait. L'ange Gabriel lui dit alors, « Louange à Allah, alhamdulillah, qui t'a guidé à la nature originelle, fitra, c'est-à-dire l'islam. Si tu avais choisi le vin, ta nation se serait égarée. » Muslim. 1394. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Toute affaire importante qui est entamée sans avoir dit « Louange à Allah, alhamdulillah » est peu bénie. » Rapporté notamment par Abu Daoud. Hadith jugé faible par Sheikh al-Albani. Rahimuhallah. 1395. Selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, « Lorsque l'enfant du serviteur d'Allah meurt, Allah Ta'ala dit à ses anges, « Vous vous êtes saisis de l'âme de mon serviteur ?»« Oui, répondent les anges. « Vous avez ainsi pris la prunelle de ses yeux, littéralement le fruit de son cœur ?»« Oui, disent-ils. » « Qu'a dit mon serviteur ?» demande Allah. « Il t'a loué et a dit, « Certes, nous sommes à Allah et à lui nous retournerons. » Allah Ta'ala dit, « Construisez sur mon serviteur une demeure au paradis et appelez-la la demeure de la louange. » At-Tirmidhi a dit, « Hadith Hassan. » 1396. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah est satisfait de son serviteur qui, après avoir mangé ou bu, dit « Louange à Allah, alhamdulillah ». Muslim.